Sébastien respire un bon coup. Les deux garçons restent assis un moment et regardent dans le vide. Puis, comme attirés par une force étrange, Sébastien et Julien retournent au kiosque. Machinalement, le regard se fixe sur la petite photo d'Isabelle. Elle a un joli visage encadré de boucles blondes. Avec ses yeux bleus, elle semble les regarder radieuses et insouciantes. Cette fille devrait-elle... À cette pensée, le cœur de Sébastien se met à battre très fort. « Qu'est-ce que vous désirez ?» leur demande tout à coup la vendeuse. « Oh, nous !» bégaye Sébastien gêné. « Sait-on quelque chose de plus sur la jeune fille disparue ?» demande-t-il alors. Oh, « C'est une terrible histoire. La police n'a encore aucune piste. On dit que le monstre a tué et coupé en morceaux le corps des jeunes filles dans une grange. On a finalement retrouvé les corps en pleine forêt, cachés dans des sacs en plastique noir. N'est-ce pas horrible ?» Sébastien est saisi par la colère et l'indignation. « Qui peut faire une chose pareille ?»« Hé ! Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu avec nous ? On est monté en haut de la statue, directement sous la couronne. De là, on a une vue formidable sur la ville, jusqu'au rocher de Polignac, » raconte Luc. « Ah bon ?» fait Sébastien. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Alex. « Rien. »« Comment va ton genou ?»« Ça va déjà mieux. » « Alors, on prend le car pour le rocher Saint-Michel. »« Comme il est haut !» dit Daniel. « Maintenant, à vous de jouer, » dit Alex. « Qu'est-ce que vous en pensez ?»« Il pourrait être haut de combien de mètres ?»« 50 mètres !» propose Daniel. « Allons, plus haut !»« 75 mètres ?» dit Luc. « Non. »« 100 mètres !» s'écrie Thierry. « C'est Luc qui est le plus proche de la vérité. Il s'élève à 80 mètres. Vous imaginez une aiguille de lave de 80 mètres ?»« Et ce que vous voyez sur la pointe, c'est la chapelle Saint-Michel d'Aiguille, qui a été bâtie sur un temple romain, dédié à Mercure à la fin du XIe siècle. Elle a un air oriental, et ce qui est très étonnant, c'est que le plan s'adapte exactement au contour du rocher. » « Ceux qui le veulent peuvent monter. »« Combien de marches ?» demande Daniel un peu inquiet. « 268, » répond Alex. « Oh, pourquoi il n'y a pas d'ascenseur ?»« Daniel, tu n'as jamais vu d'ascenseur à l'intérieur d'un volcan ?» plaisante Luc. « Allez, partez maintenant, » les presse Alex. « Après la visite, un déjeuner délicieux nous attend. »